Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, William Turner, le peintre de la lumière. Turner, qui peignait de grandes toiles, et en les peignant tout près, avec de minuscules pinceaux, et jusqu'à la veille de l'exposition, il revenait travailler encore. Il y a des descriptions magnifiques de Turner, les tableaux étant accrochés dans la galerie, bien venant encore à 20 cm peindre son tableau qui est immense. L'historien de l'art Daniel Arras à l'émission Humeur vagabonde diffusée à France Inter, William Turner est assurément l'un des plus grands paysagistes et l'un des meilleurs aquarellistes de son temps. Turner compte en fait parmi les artistes européens les plus importants du 19e siècle et c'est l'un des peintres anglais les plus connus dans le monde. Capter les rayons du soleil, jouer avec ses reflets. William Turner a toujours été fasciné par la lumière, les couleurs. Aujourd'hui à Londres, ce sont ses œuvres de maturité qui sont exposées. Ce qui est vraiment spécifique à Turner, ce sont ces contrastes extraordinaires entre la lumière et l'obscurité. Regardez ici la façon dont la lumière naturelle de la Lune se confond avec le feu dans le bateau. Et tout cela se reflète à la surface de l'eau. Le peintre exprime ses impressions de voyage. La découverte de Venise, notamment, marquera son style, parfois tourmenté. Au total, près de 200 œuvres, des peintures à l'huile, des aquarelles sont exposées ici. Les Anglais redécouvrent leur plus grand peintre, Turner. Un film qui retrace sa vie va même être projeté en salle dans quelques jours. Extrait d'un reportage diffusé au journal de 20h de France 2 en octobre 2014, au moment où était présentée à Londres une grande exposition consacrée à Turner. Pour nous parler de l'importance de Turner dans l'histoire de la peinture, je reçois André Gilbert, qui est co-commissaire d'une exposition également consacrée à Turner et organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec à Québec. André Gilbert, bonjour. Bonjour. Quelle importance il a donc Turner, M. Gilbert, dans l'histoire européenne de la peinture? Oh, ben, Turner a créé une œuvre emblématique du mouvement romantique, ce grand mouvement d'idées qui a traversé tous les arts et la culture européenne à la fin du 18e, début du 19e siècle. Donc, il crée vraiment une œuvre majeure du romantisme. En fait, Turner a renouvelé la peinture de paysage. Il propose une vision plus expressive et dramatique du paysage. Il cherche en fait à faire du paysage un art qui transcende de la simple reproduction de la nature, pour devenir l'équivalent, par exemple, de la grande poésie épique. Oui. Il y a quelque chose de... Il raconte une histoire, hein? Puis on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est l'une de ses forces. On le dit, c'est un des plus grands paysagistes de son temps. Il raconte une histoire en peignant un paysage. C'est plus qu'une simple reproduction. Poursuivons un petit peu sur sa peinture, justement, avant de s'attaquer à son parcours. À quoi reconnaît-on un Turner? Quand on parle de Turner, qu'est-ce que ça donne sur le plan du style? On en parle dans un instant avec vous, André Gilbert, mais d'abord, on écoute ce qu'en ont à dire Jean Deloisy, Evan Hilson et Pierre Watt, extrait de l'émission « L'art et la matière » diffusée à France Culture en 2014. Il y a la sensation d'un acharnement du regard. C'est comme s'il n'arrêtait pas de regarder, mais regarder si profondément que les choses se dissolvent sous son regard. Non, et il y a un moment où la matière donne l'impression de s'évanouir, de ne plus réussir à se constituer. C'est quelque chose aussi que j'adore chez lui. C'est-à-dire qu'il traque délibérément le soleil. On a l'impression sans cesse qu'il traque la lumière. C'est même très, très onctueux, cette volonté du peintre d'aller à la source même de la lumière. C'est quelque chose, c'est être plus fort que la lumière même. Et je sais que c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre en peinture. On bouge très vite une toile. Donc c'est la gestion de la strate lumineuse est un élément fort de Turner que j'admire particulièrement. Pierre Watt, ça vous fait réagir. Oui, on prétend, mais les gens dont la peau dure, mais elles sont intéressantes parce qu'elles disent quelque chose des artistes que Turner aurait dit avant de mourir. C'est tellement beau qu'on espère qu'il l'ait dit. Le soleil, c'est Dieu. Et alors s'il ne l'a pas dit, il méritait vraiment de le dire parce que ça renvoie à ce que vous avez lu de Ruskin tout à l'heure, c'est-à-dire... Et ce que vous disiez aussi sur Monet, c'est-à-dire est-ce que Turner, c'est une sorte de préfiguration, ça a été beaucoup dit, une sorte d'abstraction, ou est-ce qu'au contraire, comme le dit Ruskin, ça n'est pas précisément la nature qu'il peint de cette façon-là en s'affrontant au soleil. Et il faut s'entendre sur le mot nature, c'est-à-dire si c'est une nature descriptive, documentaire, ressemblante, mimétique au sens classique, ça n'est pas la nature. Il y a un critique de l'époque qui s'appelait Hazlitt qui disait que les peintures de Turner étaient des peintures du rien, mais très ressemblantes. Et en fait, ce qu'il peint de la nature, c'est ce que vous dites vous, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est la nature au sens originel, c'est la nature au sens d'un principe créateur plus que de la chose créée. Alors avec ce qu'on vient d'entendre, on comprend bien pourquoi on parle souvent de Turner comme du peintre de la lumière, André Gilbert. Comment décrire cette peinture de lumière, ce style Turner? Oui, Turner a en effet une vision totalisante de la nature, c'est-à-dire une vision extrêmement dynamique, mouvante. Pour lui, la nature n'est pas une chose stable et statique. Il cherche, par exemple, à rendre les effets de l'atmosphère, les phénomènes météorologiques les plus fugaces, par exemple le frémissement du vent sur l'eau, la moiteur de l'air, les couchers de soleil. Donc, tous des phénomènes rares, qui sont rarement représentés en peinture. Et la lumière, elle est... c'est une peinture qui est presque, vous me corrigerez, mais j'allais dire météorologique, parfois, à certains égards, en tout cas. Oui, effectivement, Turner prétend vraiment être un peintre réaliste, c'est-à-dire chercher à montrer le réel tel qu'il est. C'est surtout vrai dans ses aquarelles, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Mais la question de la lumière est fondamentale. Tous les effets de lumière, les contre-jours, les effets de soleil, les images de l'aube ou du crépuscule, donc les moments charnières dans une journée, sont vraiment des moments privilégiés pour lui. Bon, parle un petit peu du parcours de Turner, de comment il en vient aussi à se tourner vers la peinture. D'abord, il naît à Londres en 1775. Son père est barbier perruquier. Qu'est-ce qui fait qu'un jour... Parlez-moi de sa jeunesse et du fait qu'à un moment donné, il décide de s'intéresser à la peinture. En effet, Turner est d'un milieu très modeste, hein, c'est vraiment marquant. Mais très, très jeune, il s'intéresse aux images. Et notamment, jeune, il doit se trouver un métier très jeune, à l'adolescence. Et il entre au service d'architecte et de producteur aussi de gravures, d'estampes. Il fera donc du dessin d'architecture et des coloris des estampes. Il met des estampes en couleur pour des producteurs de livres illustrés, par exemple. Et c'est comme ça qu'il apprend l'art. Assez vite, il entre aussi à l'Académie royale, la Royal Academy, qui est la grande institution artistique à Londres à cette époque. Et là, il va exposer très jeune à l'Académie, il va suivre des cours et il va connaître un grand succès de manière assez précoce. Turner est le plus jeune artiste à avoir jamais été admis à l'Académie royale de Londres au début de la vingtaine. Vous savez, c'était vrai à son époque et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est donc en 250 ans d'histoire, le plus jeune artiste à avoir jamais été admis à l'Académie. Académie où il va finir par enseigner, de fait, parce qu'il va être enseignant une bonne partie de sa vie. Le succès arrive assez tôt dans la vie de Turner. C'est quelqu'un, il faut le dire, qui sait s'entourer à la fois de mécènes et qui travaille aussi à l'illustration d'ouvrages. Donc, il y a comme un côté, entre guillemets, commercial à son art. Quel genre, parlez-moi du genre de bonhomme qu'il est, Turner, et du genre de vie qu'il va mener. Oh, Turner a un tempérament assez spécial. C'est quelqu'un qui a toujours conservé, si on veut, le souvenir de ses origines. Donc, il va toujours garder un accent très populaire. Et même s'il se mêle aux plus grands collectionneurs de son époque, donc des aristocrates au début de sa carrière, par la suite les plus grands industriels, les plus grands bourgeois anglais, il reste un homme du peuple. Il faut voir le film Mr. Turner de Mike Leigh qui est paru en 2014 pour voir toute l'ampleur du personnage. Turner est bourru, il est dur, il est très dur en affaires aussi, il est bien connu pour négocier très très fort le prix de ses tableaux. Turner aussi est quelqu'un qui vit une rivalité très très forte avec les autres artistes, il veut être le meilleur, il est très ambitieux. Donc, c'est une vie assez particulière, oui. Ouais. Et puis, c'est un grand voyageur, et ça va aussi faire partie, mais de manière significative, de sa peinture. Il a voyagé, si je ne m'abuse, 24 fois sur le continent. C'est des voyages de plusieurs mois à chaque fois. Hein. 24 fois, ça veut dire qu'il y a eu 24 années où il est parti sur le continent pendant plusieurs mois, et à peu près autant de fois en Grande-Bretagne. Donc, c'est quelqu'un qui a consacré la moitié de sa vie à voyager. C'est là qu'il fait beaucoup d'aquarelles, puisque l'aquarelle, c'est évidemment un médium formidable pour les voyageurs, et l'exposition de Londres montre qu'il n'y a pas d'équivalent à Turner en aquarelle, c'est absolument prodigieux. Donc c'est quelqu'un qui va passer son temps à travailler sur le motif, donc l'observation, c'est de la peinture. Hein, l'observation, c'est de la peinture, c'est une observation active par l'aquarelle. Et le voyage, de ce point de vue-là, il le pousse à son terme comme le moment d'une expérience au sens profond du terme, c'est-à-dire pas simplement je rapporte des images pittoresques de tel voyage qui vont me permettre de proposer à ma clientèle des nouveaux paysages, le voyage pittoresque classique, mais véritablement il les vit comme des aventures, il y a des choses extravagantes, il a des accidents, il a toutes sortes d'aventures phénoménales, et pour lui c'est vraiment l'aventure, l'expérience même qui va devenir le sujet de sa peinture. Turner recrée. C'est-à-dire qu'il travaille de mémoire. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect absolument clé de sa production, de sa création. Oui, contrairement aux impressionnistes, il n'emporte pas sa toile dans la nature. Absolument, et contrairement à son contemporain, Corot, qui a une démarche à la française complètement à l'opposé. Turner voyage, il prend des notes lorsqu'il est en Suisse ou en Italie dans ses carnets, que ce soit des petites taches de couleur ou des graphiques ou des choses extrêmement légères. Et puis c'est de retour à Londres, à l'atelier, qu'il produit ses œuvres, encore une fois, que ce soit la production commerciale, mais aussi ces grandes aquarelles qui nous présentent des propositions colorées absolument stupéfiantes. On présente par exemple deux vues d'un château au bord de l'eau qui sont pratiquement l'une le négatif de l'autre. Et toutes ces œuvres-là sont faites de mémoire à Londres, avec cette prodigieuse capacité de reconstituer des ambiances colorées. Et c'est là, je dis, il est démiurge, il est créateur, recréateur d'un univers qui lui a parlé au moment de son voyage. L'historien de l'art Pierre Watt à l'émission « L'art et la matière » diffusée à France Culture en 2014. Et juste avant, vous entendiez Pierre Curie, le conservateur du musée Jacquemart-André, au micro de Kathleen Evin à l'émission « Humeur vagabonde » diffusée à France Inter en septembre 2020. Alors, que dire de ce Turner, peintre voyageur, André Gilbert? Oui, depuis les tout débuts de sa carrière, tous les étés, Turner fait un voyage pour le travail, essentiellement. Ce ne sont pas des voyages d'agrément, hein. C'est des voyages de plusieurs mois, parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre, on voyage encore à pied, en voiture à cheval, un peu plus tard à la fin de sa vie, en train. Mais donc, ce sont des très longs voyages. Turner, donc, visite toute l'Europe. Il part à pied. Turner est capable de marcher 50 km par jour jusqu'à son grand âge. Donc, c'est un grand marcheur, un grand voyageur. Il voyage seul et il voyage pour peindre essentiellement, voir les motifs qu'il a à peindre. Turner fait l'étoile l'hiver et l'automne dans son atelier. Mais à l'été, il doit voyager parce que Turner a de la misère à faire une peinture sans avoir vu le site au préalable. Donc, s'il doit faire des vues d'Italie, par exemple, pour un livre illustré, il va aller en Italie et il va chercher les différents sites qu'il va devoir illustrer. Turner rapporte de ses voyages d'innombrables dessins et aquarelles. C'est sa banque d'images, si on veut, qui lui servira par la suite en atelier à produire ses toiles. Et il peint, bon, des paysages, des monuments aussi. C'est ce qu'il cherche à peindre quand il part en voyage. Oui, oui, il cherche les lieux dont il a besoin pour faire ses peintures ou pour faire ses estampes qui serviront à l'illustration de livres. Turner est vraiment un virtuose dans ses carnets, dans ses notes. Et les plus belles œuvres de Turner sont ses aquarelles. Les aquarelles qu'il a faites durant ses voyages. Turner ne peignait pas sur le motif en plein air, effectivement. Il dessinait en plein air, au crayon. Mais par la suite, quand il entrait à sa chambre d'hôtel le soir, il transformait véritablement sa chambre en atelier pour faire des aquarelles qui lui servent par la suite de modèle pour l'ensemble de ses peintures. Ouais. Et ce sera, on le répète, mais vraiment l'un des grands paysagistes de son temps. Pour ce qui est de l'Angleterre du 19e siècle, il y a William Turner, puis il y a, quand on parle de paysagiste, puis il y a un autre nom qui revient tout le temps, John Constable. Comment ils se comparent l'un et l'autre? Turner, bon, travaille en studio, alors que Constable est un des premiers à travailler en plein air, dehors. C'est donc une différence importante. Turner aussi est largement inspiré par la littérature et un aspect théâtral. Ses œuvres sont des œuvres d'imagination, si on le veut. Alors que Constable est un peintre qui peint l'Angleterre rurale, qui n'a jamais quitté l'Europe, l'Angleterre, pardon, et qui travaille de façon plus straight, si on veut, plus réaliste. Les deux sont des rivaux, d'éternels rivaux, surtout dans les années 1830. Vous savez, à Londres, la vie culturelle est rythmée par les grandes expositions de l'Académie royale au début du 19e siècle. Les deux artistes participent et c'est vraiment un combat à savoir qui va se démarquer dans l'ambiance de l'exposition collective et qui va réussir à laisser sa marque. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence parce que vous dites Constable ne quitte pas le Royaume-Uni contrairement à Turner qui parcourt l'Europe dans de nombreux voyages. Est-ce que chez Turner, quand on regarde sa production, il y a une différence notable entre ce qu'il peint chez lui et ce qu'il peint à l'étranger? Non, pas tant. L'ensemble des œuvres sont traversées par la même imagination, le même style. Et effectivement, il n'y a pas tant de différence. Là où Turner est assez différent de Constable, c'est dans ses choix des sujets anglais, par exemple. Turner est un des premiers à représenter les effets de l'industrialisation sur le paysage britannique. Il peint donc, par exemple, des bateaux à vapeur. Il peint sa fameuse locomotive que tout le monde connaît dans le fameux tableau « Pluie, vapeur, vitesse ». Donc, des éléments de l'industrialisation, le brouillard aussi de Londres, des éléments qui sont uniques, et il est un des premiers à peindre le monde qui lui est contemporain, mais dans sa dimension industrielle et urbaine. Alors que Constable est davantage un homme de la campagne, si on peut dire. Ouais. Un des grands tableaux de Turner, c'est le fameux Tempête de neige. Et il y a toute une légende qui entoure la production de ce tableau que peint Turner en 1842. Racontez-nous l'histoire de ce tableau-là, André Gilbert. Oui, après avoir exposé Tempête de neige en mer, Turner a affirmé qu'il s'était fait attacher au mât du navire pour bien sentir les effets de la tempête et ça, et qu'il avait d'ailleurs failli mourir. Il serait resté, selon lui, attaché au mât durant 4 heures. Le bateau est vraiment tangue de tous côtés, là, en plein cœur d'une véritable tempête hivernale sur la mer du Nord. Donc, c'est évidemment une légende. Turner s'inspire, entre autres, d'Ulysse d'Homère, qui était attaché au mât de son bateau pour ne pas succomber au chant des sirènes. Il s'inspire aussi d'une histoire similaire qui a été racontée par Joseph Vernet, un peintre de marine très important, un peintre français, qui est un peu antérieur à Turner. Donc, l'idée, c'est tout de même de montrer que le tableau a été peint et le résultat d'un motif vécu, si on veut. Turner a véritablement vécu l'événement. Et pour lui, c'était l'aspect réaliste qui primait à ce moment-là. Et cette notion ce caractère dramatique, il est présent dans ce tableau-là, mais dans d'autres tableaux de Turner aussi. Oui, les œuvres de Turner sont reconnues pour leur puissance dramatique, si on veut. Turner aime cette vision dramatique des choses et il met en scène des tempêtes spectaculaires, des mers tumultueuses, des vues de montagne. C'est vraiment quelque chose qui l'anime au plus haut point. Turner veut montrer le spectacle des plus grandes forces de la nature. Et donc, ce n'est pas chez lui une nature paisible qui l'intéresse, mais vraiment la nature dans sa dimension la plus forte, la plus émouvante, dans sa plus grande puissance dramatique. Ouais. La dernière période de Turner sera celle qui se rapproche de l'abstraction, en fait. Plus il avance en expérience et en âge, plus on le sent se diriger vers l'abstraction. Comment décrire cette dernière... Pourquoi, d'abord, ce virage-là? Puis comment décrire cette dernière période de Turner? Oui, en effet, plus Turner avance dans sa carrière, plus son style évolue et il est de moins en moins réaliste, si on veut. Il rend la réalité, en fait, de façon de plus en plus abstraite et de plus en plus transformée. La gestuelle et l'aspect très, très brut de ses dernières toiles nous semblent étonnamment modernes aux spectateurs d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle d'abstraction. Mais évidemment, ce n'est pas une abstraction conceptuelle là, comme on peut penser l'abstraction du 20e siècle. C'est une abstraction qui relève des moyens d'un style, d'une touche de plus en plus libre, si on veut. Turner aussi, plus il avance dans sa carrière, on dirait que plus il veut représenter la lumière pour elle-même, indépendamment des choses que l'on peut voir. Donc, les œuvres sont de plus en plus abstraites parce qu'elles montrent une lumière là, de plus en plus intense, de plus en plus modulée, de plus en plus expressive. Le Musée national des beaux-arts du Québec, André Gilbert, possède un Turner. Je pense, vous me corrigerez, c'est probablement l'un des tableaux, sinon le tableau que vous avez qui vaut le plus en valeur monétaire aujourd'hui. Racontez-nous de quel tableau on parle et racontez-nous l'histoire de ce tableau-là. Oui, en fait, c'est une histoire assez particulière. En 1959, le Musée national des beaux-arts du Québec a reçu de la succession de Maurice Duplessis, le premier ministre de la province, une collection d'une 60aine de tableaux de maîtres européens et canadiens. Parmi ceux-ci, une toile de Turner, et c'est vraiment une des très rares toiles de Turner dans un musée canadien. L'œuvre se nomme « Scène dans le Derbyshire ». Elle correspond en fait à une œuvre qui était longtemps considérée comme perdue. Pendant une centaine d'années, on avait perdu un peu sa signification. On pensait que c'était une scène d'une autre région d'Angleterre. Mais on a découvert que le paysage représentait une vallée qui s'appelle les Hauteurs d'Abraham. Donc, près de Matlock Bat, dans le Derbyshire, en Angleterre. C'était un site qui a été nommé en hommage au général britannique James Wolfe, qui était mort, vous le savez, sur les plaines d'Abraham à Québec, durant la bataille qui a permis à l'Angleterre de conquérir le Canada. Donc, on a un tableau, là. On a une espèce de retour de situation où un tableau de Turner représente les hauteurs d'Abraham et il est aujourd'hui conservé sur les plaines d'Abraham à Québec. Et c'est intéressant de préciser que, donc, cette collection de Duplessis, c'est une musique qui en a profité. C'est assez peu, longtemps en fait, c'était à peu près inconnu le fait que Maurice Duplessis collectionnait, était un grand collectionneur de peinture. En fait, on croit que Duplessis achetait assez peu d'œuvres lui-même. En fait, la plupart de ses toiles lui auraient été données en cadeau. De la part de notables ou, par exemple, d'entrepreneurs. Vous savez, les mœurs politiques à l'époque étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Donc, Duplessis aurait reçu en cadeau la plupart de ses œuvres. Il présentait quand même ses œuvres dans ses appartements. Vous savez que Duplessis avait une suite au Château Frontenac, à Québec, et une autre suite au Reine-Élisabeth, à Montréal, où il habitait. Donc, les œuvres étaient présentées là. Mais Duplessis n'a probablement acheté aucune de ses toiles. Ouais. Des retours d'ascenseur. En fait, il se promenait à New York, à Paris, repérait des tableaux intéressants dans les galeries, puis faisait passer le mot en disant à tel ou tel entrepreneur, « Ah, ce tableau-là, j'aimerais vraiment ça l'avoir dans ma collection. » Comme vous le dites, c'était les mœurs du temps. On termine avec Turner aujourd'hui. On entendait, il y a eu une grande exposition à Londres en 2014. À partir des années 80, en fait, on assiste vraiment à un regain d'intérêt pour le travail de Turner, qui aujourd'hui est un des peintres les plus connus et les plus chers des peintres anglais. Qu'est-ce qui explique ce succès, cet intérêt encore aujourd'hui pour la peinture de Turner? En fait, Turner est un des rares artistes dont la fortune critique n'a jamais connu de bas. Dès son vivant, hein, Turner est un des artistes qui vendait le plus cher à Londres de son époque. Il vendait ses tableaux très très cher. Turner d'ailleurs est mort très riche, alors qu'il était né d'une famille très pauvre. Donc, sa fortune critique est élevée de son temps. Elle est restée tout au long des siècles. En fait, je dirais qu'une des raisons pour ceci, c'est que Turner, à la fin de sa vie, lègue l'ensemble de son fonds d'atelier à la nation britannique. Le fonds d'atelier, ça veut dire ce qui reste dans son atelier à son décès. Donc, plusieurs toiles très significatives, celles dont il n'avait jamais voulu se départir, plusieurs très belles toiles, mais aussi toutes les aquarelles et tous les carnets d'esquisses, donc qui permettent de mieux comprendre son œuvre. Alors, cet ensemble est légué à la nation et donc a toujours été mis en valeur par le gouvernement britannique. C'est un legs exceptionnel. Et Turner, de ce fait, est considéré comme un des artistes britanniques les plus importants depuis cette époque. L'œuvre de Turner a aussi toujours une grande pertinence parce qu'elle exprime des thèmes universels. La sensation de la lumière, l'intérêt pour le paysage, bien sûr, et la nature. La fragilité aussi de la condition humaine à plusieurs points de vue, parce que Turner est un peintre de catastrophe. Donc, l'œuvre de Turner demeure tout aussi pertinente pour le spectateur d'aujourd'hui. André Gilbert, co-commissaire pour l'exposition Turner et le sublime, qui est organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec, en collaboration avec la Tate de Londres. Merci infiniment de votre participation à l'émission. Tout le plaisir est pour moi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.